Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles entendent et se réjouissent en sa touche. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs et de mes prisons. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants, et leur visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et de toutes ses détresses, il le délivre à chaque fente. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent avec foi. Il les arrache au danger, il les couvre de son toit. Ceux qui cherchent l'Éternel n'ont manque d'aucun bien. Venez enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du souverain. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Cherche et poursuis la paix bienheureuse.